Je bouge les bras, je remue, mais je crois bien que ça sert à rien. Avant, ce sera comme après, la même merde partout. Mais je t'aime toujours d'amour. Je bouge les bras, je remue, je me fatigue et je m'épuise. Tout traîne comme des boulets. Je tire et ça s'écroule. Mais je t'aime toujours d'amour. Je bouge les bras, je remue, me désespère. Tout est foutu, je te regarde faire semblant de rien.